Toi. Allez Philippe, la force est avec toi, tu peux y arriver. Et c'est pas possible, vous n'avez pas des mains, vous êtes des extraterrestres. Bon, je vais manger. En tout cas, bravo.